maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Cayenne. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Cayenne, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est reparti pour une nouvelle soirée avec Cayenne. Comment ça va ce soir? Ça va super. T'as vu cette journée ensoleillée? Oh ouais, on peut caler bien. Quel kiff. C'est clair. Quel kiff. Faut qu'on se lève, sera dans les bacs dès lundi. Ça approche dans 5 jours maintenant. Bah ouais, c'est tout prêt là. On va pouvoir continuer à découvrir. Tu vas nous parler aussi des gens qui sont là autour de toi ce soir. C'est ça, il y a Mimi ce soir qui est avec nous. Coucou. Ça va bien Mimi? Une artiste YW. YW, le label. C'est ça. Et bon, on va en parler dans quelques minutes. Juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. C'est le replay de la veille. Écoute, c'était hier soir en direct sur Skyrock. Ça va bien Cayenne? Ça va et toi Fred? Bienvenue dans ton Planet Rap. Ça va être un peu dissipé ce soir, tu le sais. Ouais, je vois ça. On a une sacrée équipe qui débarque. C'est l'équipe ça. Des Gorillons. Yes. Tu les connais? Tu connais au moins Joey Star? Ouais, Joey Star au moins. Après, il reste c'est nouveau. Manu Payet qui est là aussi avec nous. Bonsoir. Et merci. La jolie Alice Belaïdi qui est là aussi. Salut. Bonsoir. Qui nous fait pitch des Gorillons? Alice. Ok. Écoute, c'est l'histoire de deux mecs qui vont se retrouver, deux gardes du corps qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et qui vont devoir se retrouver pendant 36 heures pour me protéger, voilà, de mon ex qui me veut du mal. Et ça va pas se passer comme prévu, voilà, parce pas que c'est tout. Un peu tous les deux des branquignoles. Non, il paraît toi qu'à l'époque quand tu faisais de la radio justement, quand t'étais à La Réunion encore, t'avais invité NTM et il y en avait qu'un des deux qui était venu. Hein. J'ai toujours une question qui est en suspens quelque part au-dessus de La Réunion. Vas-y, je sais que tu as envie de la poser, je sais que tu as envie de refaire de la radio Manu aussi. Alors je vais la poser avec la voix que j'avais à l'époque. Voilà. Et vous êtes content de faire du rap? Et voilà, c'était osé. Ah ouais. Parce que j'avais peur de lui. Ah ouais. J'avais peur du gars. Et du coup, rappelle-moi, c'était quoi? C'était énergie, ouais, bah c'est le niveau énergie en même temps. C'était hier soir. Avec Cayenne sur Skyrock. Je te le dis en face, c'est pas de la traîtrise. Y'a des choses qui ne s'emboîtent plus, c'est comme dans Tetris. Si tu veux, on arrête, ouais, on conclut. C'est ainsi entre nous, c'est du je t'aime moi non plus. Pas sans toi. Ouais, tu me manques. Baby, pas sans toi. Non, c'est pour la vie. Pas sans toi. Baby, baby, pas sans toi. Reste près de moi. Yo. Tu m'as laissé et je me sens si seule. Planète rap. J'ai que ma mère et quelques potes. Ouais, c'est tout ce que j'ai. Si je suis à Zeul et sur la prod, c'est que je crache toute ma haine. J'ai que ma mère et quelques potes. Ouais, c'est tout ce que j'ai. Mais au fond, moi, c'est tout ce que j'aime. J'ai envie de me barrer. Rien à foutre de leurs paillettes et de leurs 100 mètres carrés. Des fois, j'ai envie de tout foutre en l'air, envie de me barrer d'ici. Rien à foutre de leurs paillettes et de leur vie à piscine. Et comme toutes mes sœurs, chaque jour, c'est les mêmes questions. Entre rester chez moi ou passer mon bac gestion. Entre celles qui sortent, celles qui restent à la maison. Mais chaque femme est respectable et je sais que j'ai raison. Ce soir, Planet Rap Cayenne. Cayenne, notre invité entre 20 et 21, voilà, avec le petit replay d'hier soir dans l'émission. Yes. Et Cayenne, le projet qui sort donc dans 5 jours maintenant, c'est lundi. Il a les pêcheurs, le P pour ceux qui écoutent un peu. Et sinon, en précommande, on peut l'avoir en digital aussi. Donc c'est on ça. On peut aller cliquer tout de suite. En précommande, donc voilà, n'hésitez pas à cliquer. Parle-nous de Mimi qui est là aussi avec toi. Bah, Mimi, c'est une super artiste qui a rejoint YW, merci. Ça fait maintenant 2 ans. Mm-hmm. C'est une chanteuse. Donc, bah, à peu près en même temps que toi. Voilà, juste après. Juste après. À peu près en même temps. Et c'est une super artiste, franchement, vous pouvez aller découvrir sur les réseaux sociaux Mimi YW. Comme moi, c'est pareil. YW, c'est le code, tu vois. C'est le code, il faut l'avoir, ouais. Voilà. Et franchement, super artiste. Donc, il y a des nouveaux morceaux à découvrir et allez voir. C'est vraiment. C'est de la fraîcheur, c'est de la nouveauté. Et puis vous aviez fait un petit freestyle ensemble, enfin qu'on avait diffusé en début de semaine aussi. Ouais. On en a fait un là et qu'on va te faire là en début d'émission. Ah, en début d'émission en déjà. En début d'émission déjà. À partir d'entrée. Okay. Ah, on est comme ça chez YW. Ah ouais, donc c'est les filles qui prennent le contrôle ce soir. Voilà. Yes. Il y a plein de jolies filles qui sont venues dans le studio. Et c'est pas fini. Ah c'est pas. Bah, dis donc, qu'est-ce qui se passe ce soir? Je sais pas, un petit peu de féminité. C'est l'effet YW. Ouais, c'est ça, c'est l'effet soleil, ça fait du bien. C'est ça. Bon, on est avec. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attaque tout de suite le live? On met un morceau Vas-y. D'abord peut-être ou... On attaque le live. Ah, on a passé le Willy qui est là aussi. Je me disais, on va passer. On va rester contre Nana maintenant. Maintenant, il y a Willy. Mais non. Toujours avec nous. Et bon, on peut attaquer alors le live tout de suite. Pendant ce temps-là, tiens, vous inscrivez aussi et vous réagissez sur l'émission sur le Planet Rap avec le hashtag Cayenne sur Skyrock, le 41759. Sims, quand tu veux, du live pour débuter. Yo, Mimi, YW, KKK Cayenne, 20 avril dans les bacs. Pourquoi ça marche pas? Toutes nos limites, ouais, on perd toutes nos. Trop Des fois on perd toutes nos limites, ouais on perd toutes nos limites. En flow. Remets là. Ouais, vas-y, pull up, Didier, on s'entend pas, y'a un problème, je m'entends toujours pas. Je pense que ça. Alors attends, je pense que tu as mal branché le casque. Attends, Sims, deux secondes. Voilà, je sais voilà, que c'est. Voilà, c'est parfait. Je sais que Sims, c'est bon, il est chaud. Ouais, vas-y. Balance la sauce. C'est bon, tu t'entends, ouais, tout le monde s'entend. Mimi cool. Aussi. Yeah. Yeah. Allez. 20 avril dans les bacs, faut qu'on se lève. Yeah. Y et W. Cayenne. Mimi. Ok. Yo. Des fois on perd toutes nos limites. Ouais, on se perd dans nos gimmicks. Y'a trop de pression et peu de love. Des fois c'est dur d'être paisible. Ouais, dur d'être paisible. Malgré ça, on s'est gardé la tête. Yo. Des fois on perd toutes nos limites. Ouais, on se perd dans nos gimmicks. Y'a trop de pression et peu de love. Des fois c'est dur d'être paisible, dur d'être yo. Paisible. On garde la tête, oh. Yo, yo, j'analyse le truc et je vois que c'est grave. Les rêves se butent pour des paquets de massa. Check le massacre, tout ça juste pour des thunes. Mes rêves mettent les mini-jupes pour aller bosser dans le barca. Tu crois que je blague quand je dis que c'est grave. Société où le manque de fric peut même les pousser à la cave. Gosse à la DAS, famille décomposée. RSA ou chômage dans le frigo, rien à manger, non. Toute ma jeunesse est à la liberté. De liberté. Ils veulent nous faire croire qu'on vit dans l'égalité. Dans l'égalité. Peu importe où l'on vient, on vise la fraternité. On vise la fraternité. On vise la fraternité. Yo, Mimi. Et si mes frères continuaient de se lever, de se combattre. Et si mes sœurs pouvaient se lever, confirmer ce constat. Même si c'est dur, continuer les études, assumer les courbatures et le manque de fric, c'est sûr. Lutter contre ce système. Mon Dieu, dis-moi pourquoi on reste ici. Et si mes frères continuent de se lever, de combattre. Et si mes sœurs pouvaient se lever, confirmer ce constat. Vas-y, viens, on prend le large. Viens, on se casse. Ici, y a trop de pression. Ouais, y en a qui finissent dans la cam. Ou devant la cam. Ici, ils se posent pas les bonnes questions. Ça sert à quoi qu'on stagne. Y en a qui finissent dans la merde. Ouais, pas de blême. C'est un histoire d'espoir. Non, chérie, on n'a pas ça dans le zen. Pour se battre. Liberté. De liberté. Ils veulent nous faire croire qu'on vit dans l'égalité. Dans l'égalité, peu importe d'où l'on vient, on vise la fraternité. Yeah, on vise la fraternité. On vise la fraternité. YW, 20 avril dans les bacs, faut qu'on se lève. On vise la fraternité. On vise la fraternité, my girl. Égalité, fraternité. Yoni, on la Willy, Yoni. Ça bouge pas, 20 avril dans les bacs, my girl. Mimi. Cayenne. YW, c'est nous la force. Ouais. Wesh Sky. Cayenne et Mimi en live pour débuter ce Planète Rap. Bravo mesdemoiselles, je pense qu'on peut vous applaudir aussi. Bravo. Merci. À l'instant en live dans l'émission. C'est cool. Toi le chant, parce que c'est vrai que le chant est aussi présent sur ce projet. Ouais, c'est bah, quelque chose on va pas dire c'est du chant, c'est du toast hein. C'est du toast, mais c'est quelque chose que tu travailles aussi régulièrement ou, ouais, je... ou c'est naturel, c'est quelque chose qui ouais, vient, je travaille, enfin c'est naturel, tu sais, j'écris des textes quand il y a des ambiances, enfin quand l'instru m'inspire plus une mélodie chantée, je vais dans ça. Et après, j'ai pas la voix pour faire du Lara Fabian, hein, je crois que tu l'as entendu. Tu sais. Mais je fais ce que tu je sais peux, maintenant avec tous les appareils qui existent. Voilà, on peut tout faire. Mais bon, je vais pas non plus dans ce que je sais pas faire. Ouais. Voilà, je fais ce que j'aime et puis c'est de la musique, hein, tu vois. C'est ce qu'il y aura aussi sur le projet, parce que je suppose qu'on va parler évidemment, donc ça sort lundi. Ouais. Et c'est déjà une première carte de visite. Mm-hmm. Il y aura par la suite un album. C'est ça. En tout cas, on l'espère. C'est des choses auxquelles tu penses. T'es ah déjà, oui, carrément. T'es déjà en studio, t'écris, tu bosses. Ouais. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. On fait que ça. Et il y aura quoi alors? On pourra entendre quoi? Des différentes sonorités. Tu parlais de toaster. De toaster justement le côté un peu plus dancehall, ouais. Reggae. Bah déjà dans l'EP je trouve qu'il y a une palette assez large quand même. Et ouais, dans l'album on compte s'élargir encore plus. On va voir, c'est une surprise, tu verras. D'accord, bon ce sera plus tard je suppose. Voilà. Courant de l'année 2015, peut-être 2016. Bah oui. Déjà on est sur l'EP, on voit ce que ça donne. C'est vrai, on va voir ce que ça donne. Bah dites-nous si vous soutenez Cayenne ou pas, vous envoyez un petit message avec le hashtag Cayenne sur Skyrock. Mimi yes. Aussi, toi tu bosses yes. Sur quoi Mimi? Bah toujours, ça bosse depuis 2 ans, bah moi je chante. Donc voilà, après on taffe dur à couler, mais c'est dur pour l'instant parce que j'ai les études aussi, je passe le bac cette année. Ah. D'ailleurs, je suis en train de mes profs parce qu'ils m'écoutent là. Et bientôt les vacances. Ouais. Ouais, mais les vacances ça veut dire le bac parce que avril, mai, juin, tu vois. Ouais, ça c'est la période. Ça va être là. Dur. Ouais. C'est la bac quoi là? C'est bac L.

Digita. Faut qu'on se lève, c'est aussi le nom du projet de Cayenne qu'on découvre et ce morceau à l'instant sur yes. Skyrock entre 20 et 21. Faut qu'on se lève et Cayenne et le petit concours, on en est où sur ce fameux concours qu'on lance chaque soir? Le concours, il marche toujours. Hein. Envoyez vos petits mots sur Skyrock. Donc on va rappeler le principe. Que représente la femme à vos yeux? Voilà. Vous nous donnez vos avis et en un mot ou une phrase. Voilà. Et les meilleures phrases, bah, ils gagnent un album. À la fin de la semaine, finalement, c'est plus tous les soirs. À la fin de la semaine, on donnera tous les gagnants. On filera les gagnants. Voilà. Alors, c'est un petit mot, une phrase sur ce qu'on représente pour vous. La femme. La femme, allez-y. 41759 avec le H. Vous avez déjà vu des bons trucs un petit peu? Ouais, pour l'instant, il y a des trucs pas mal. Il y a deux, trois phrases que j'ai bien accrochées. Est-ce qu'il y a des petites punchlines qui sont. Il y a tellement de bonnes choses, Fred, qu'on préfère faire ça, tu vois, vraiment. Tranquillement, sérieux, tu vois. Parce que là, on peut pas choisir comme ça. Il y en a des belles. C'est de la poésie carrément, tu vois, ça va loin. Eh bien, allez-y, continuez à nous envoyer des verres. 41759, voilà, vous nous de toute envoyez façon, je vais te dire un truc, hein, on sort pas du trou de balle du daron, hein, tu vois. C'était classe. La finesse de Willy. C'était classe, ça aurait pu être une punchline aussi. Mais c'en est une. Non, c'est une punchline. Que représente pour toi la femme? On n'est pas sorti du cul de notre père. Voilà, c'est ça. Ça veut tout dire. Bah oui, non, mais c'est-à-dire que ouais, les mecs d'aujourd'hui, même si vous n'avez pas de sœur, vous avez un problème avec les femmes, vous êtes quand même né d'une mère, quoi. Bah, donc la normalement, femme représente quand même quelque chose de si positif. Vous êtes né de... Normalement, après. Moi, la plupart du temps, quand j'ai peur, je m'entoure de femmes, voilà. Ouais. C'est bien. Cool. Et bah là, tu as peur, on voit, tu trembles. Ouais, je tremble. Là, tu t'es bien entouré. Il y a beaucoup de jeunes filles, je disais, dans le studio ce soir, entre 20 et 21. Pour un lion, c'est jamais le lion qui va chasser, tu vois, c'est la lionne. Exactement. Ouais. Bah, c'est valable pour l'être humain, je crois. En tout cas, je défends cette phrase. Pour ceux qui casquent pour des meufs qui vivent des vies dures, je suis désolé pour vous, voilà, mais moi j'ai du respect pour la femme. Regarde un poète qui vient d'envoyer un message. Les femmes représentent la chandelle de nos vies qui nous éclaire la nuit. Voilà, c'est beau ça. Si jeune homme. Bah ouais, merci. Sympa. Voilà, c'est à Coupe qui nous envoie ça. Zéro maman, du 9-3. C'est cool. À ceux qui lavent votre linge et qui vont voir le parloir, tu vois. Exactement. Cléopâtre qui dit la femme représente la force de la nature. Bah ouais, c'est vrai, elle a raison. Et bah continuez à balancer. Vous avez tous raison. La femme, c'est la vie, le bonheur, l'amour. Envoyez vos messages. Beaucoup de poésie ce soir, et bien continuons dans la poésie. Bah ouais. Et jusqu'à 21h, continuons aussi à découvrir ce projet dans un instant sur Skyrock. Vous balancez vos messages 41759. Si on parlait de Nana, on va écouter le son de Rihanna aussi tout de suite sur Skyrock. C'est parti. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec à l'instant le son de Rihanna. Il y a des jolies phrases qui arrivent sur les nanas. J'ai vu. Ah ouais, c'est magnifique. Franchement. La femme représente un garçon réussi, c'est joli aussi. Ah, c'est pas difficile. C'est clair. Étant c'est plongeur, un peu macho, ma femme, mais c'est ma ligne de vie. C'est magnifique ça aussi. Sans femme, un putain de monde de branleurs nous attend. Bah ouais, vous avez besoin de nous, arrêtez de vous voiler la face là, bordel. Allez-y, vous continuez à balancer vos punchlines, votre petit mot, votre petite phrase autour justement du terme de la femme, ce que ça représente. Et aussi, j'ai vu pas mal de messages pour des gens qui demandaient les articles YW, pardon. Comme les t-shirts qu'on a ici un peu partout. Il y en a partout, voilà. On a une demande. Voilà, c'est disponible sur la boutique officielle. On est un peu en rupture de stock, mais ça va arriver très vite. Ou sur yw.com. Donc n'hésitez pas à passer vos commandes. Ce que tu portes aussi, pareil. Ce que je porte, ce que tout le monde porte là, voilà, c'est disponible. Et il y a encore d'autres articles, il y a des nouveautés, c'est le futur. Donc allez faire un tour et si ça vous plaît, commandez. Donc allez cliquer pour avoir les fringues YW. Voilà. Young and Rainer. Yes. Jeune et gagnant. On est jeune et gagnant. Bah c'est vrai, on est une génération jeune et gagnante. Vous n'êtes pas d'accord? Bah ouais, attends, bien sûr. Jolie chorale. Bah oui. Mais moi je veux plus de bruit là, parce qu'ils ont pas l'air de... Bah ouais, pas vrai. Bah ouais, ça va bien écouter. Dites-moi, c'est les femmes qui ont le pouvoir, attends. C'est les filles d'habitude. Ah mais c'est bien, ils vont tranquille, voilà. Regarde. Bah oui, tiens, tranquille. Revenons dans le monde de macho ce soir, il y a aussi le match de foot PSG-Barça à suivre. Ouais, on alors est PSG nous. On va gagner 2-0 aujourd'hui. PSG, Paris. Ouais, bah oui. Paris. Jusqu'à la mort. Paris. Qu'est-ce que t'as dit sur Zlatan? On va les Zlataner. Zlatan, il est au repos ce soir. Hein. C'est pas grave. T'inquiète pas, elle aura tous mis la pression dans l'équipe, ils vont tous jouer. Et ben, on suivra sa chaîne d'info tout à l'heure dans la radio libre. On est obligé de gagner. Vous continuez à balancer vos messages et on revient dans un instant. Qu'est-ce qu'on mettra comme morceau après la pub, Cayenne de On va mettre plus rien de m'étonne. Plus rien de me choque, pardon. Plus rien de me choque. Ouais. Tu veux dire un mot sur celui-ci? Bah non, je laisse découvrir. Et bon, on va le découvrir dans un instant. Un petit mot aussi peut-être sur les gens qui ont bossé avec toi sur ce projet. Ouais, bah écoute, il y a une très grosse équipe qui a bossé dessus. Il y a Reptile, Mitch Olivier qui ont mixé le projet. Des gens comme, comment il s'appelle, Sims qui est là sur les platines aujourd'hui, que je dédicace. Rémi, les mains de fée, et toute l'équipe, franchement, Fabio Iso, aussi. Fabio, qui ont été là du début à la fin. Ouais, il y a beaucoup de réal sur ce petit projet qui est consistant, mais on va dire c'est un petit apéritif. en attendant la suite. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle Faut qu'on se lève et on le découvre ce soir avec un morceau. Donc plus rien ne me choque dans quelques plus minutes. Ouais, plus rien ne me choque. Pardon. Ouais, plus rien ne me choque. Parce qu'il y a un autre titre qui s'appelle Plus rien ne m'étonne. Voilà, à la base on devait l'appeler Plus rien ne m'étonne, mais comme il y en avait déjà un autre, plus rien ne me choque. Donc je m'embrouille un peu des fois. Plus rien ne m'étonne, ouais. Voilà. Tellement qu'on enregistre deux titres, tu vois. C'est ça. Il y avait Tiken Jah Fakoly qui avait fait un morceau. Exactement. Ouais, plus rien ne m'étonne. C'est ça. Donc toi, c'est plus rien ne me choque. Plus rien ne me choque. Ça arrive dans un instant, bougez pas. C'est juste après ça le retour de Cayenne. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Cayenne pendant une heure complète ce soir. Planète Rap Cayenne. C'est Cayenne avec nous entre 20 et 21 avec Mimi aussi ce soir qui est là, qui fait partie du même label que toi. Voilà, et qu'on retrouvera en live, on vous retrouvera en live tout à l'heure. Ou toi peut-être d'ailleurs, je sais pas. Toutes les deux encore. Toutes les deux toute la soirée, toujours. Va pas louper d'ici quelques minutes, juste avant des premiers morceaux qui s'appellent Plus rien ne me choque. Ouais. Je crois qu'il est grand temps de le balancer. Bah oui, c'est une grande première. Et ben on y va. Vas-y, c'est parti. Quand allez, c'est parti. J'ai fait péter le son là, ça. Johnny Willy. Faut pas déconner, ma sœur. Faut pas devenir comme Zaya. On se projette pour coller ailleurs. Trop de soucis sur Paname. On en a vu de toutes les couleurs. On parle pas de mec, c'est cool. Je m'endors avec du dolé. Je crois que c'est la même entôle. On est là à se prendre la tête. On en oublie même de prier. À croire que le diable nous a pris au cœur. C'est vrai que j'ai du mal à m'y faire. Mais faut continuer de trimer. Comme si nos âmes n'avaient pas souffert. J'analyse mes fautes, banalise les autres. Je voudrais faire le tour du monde. Plus rien ne me choque. J'analyse mes fautes, banalise les autres. Je veux faire le tour du monde. Du globe. Dans la caisse, ça pète des clopes. On rôde comme des oufs entre sauces. Toujours quelques thunes dans la poche. Petit témoin, tout le monde est posé. De Marseille à Paname, on aime s'amuser, rigoler. On s'en fout tant que ça va. Y'en a qui poussent la Fanta. En attendant le prochain parloir, j'ai de l'inspi, ma tête est inondée. Une pensée à tous ceux qui ont la dalle. On va bien finir par crever. On laissera tout à nos gamins. On n'est pas des cas isolés. Faudrait juste qu'on se bat. J'analyse mes fautes, banalise les autres. Je voudrais faire le tour du monde. Plus rien ne me choque. J'analyse mes fautes, banalise les autres. Je veux faire le tour du monde. Plus rien ne me choque. J'affronterai les autres. Plus rien ne me frôle. Même mon ego. Mais je veux juste une seconde. Sortir de ma peau. Car je voudrais faire le tour du monde. Plus rien ne me choque. Plus rien ne me choque. Sans parole, sur la tête de ma daronne. Comme s'il se donnait la mort. De nos jours, les types sont tous sous cam. Que les prises de tête, faudrait tous qu'on se calme. Les retours au check sont partout, sa dame. Sur la route du bled, on a tous la vibe. On a tous la vibe. Elles veulent tout un chaos. Ils veulent tous un gamos. Chez moi, on est tous un peu casos. On fume tous sur le matos. En fait, y'a personne pour nous sauver. On a juste la foi. On entasse tous les projets. On est juste en bas. J'analyse mes fautes, banalise les autres. Je voudrais faire le tour du monde. Plus rien ne me choque. J'analyse mes fautes, banalise les autres. Je veux faire le tour du monde. Plus rien ne me choque. J'affronterai les autres. Plus rien ne me frôle. Ni même mon ego. Mais je veux juste une seconde. Sortir de ma peau. Car je voudrais faire le tour. Plus rien ne me choque à l'instant. C'est ça, plus rien ne me choque. Parce qu'il n'y a rien qui me choque. Ouais. On a tout vu. On a tout vu. Horrible. C'est bon, vous avez réussi à sortir Willy. Ah ouais, c'est ça. Mais bien c'est ça, joué. Les femmes, elles s'imposent dans le monde. Hein. Il faut s'imposer. Bien joué, les filles. Bon, on est avec Cayenne, avec Mimi. On retrouvera en live d'ici quelques minutes. Et on est aussi avec Dragana, qui est une jeune fille qui vient rapper par téléphone de Strasbourg. Ah, c'est cool. Ouais. Salut Dragana. Salut. Salut Dragana. Salut tout le monde. Ça va bien? Ça va et vous? Bah toi tu fais quoi? Tu chantes, tu rappes, tu fais les deux? Moi je fais les deux. Tu fais les d'accord. deux. D'accord. Donc on va avoir un petit aperçu maintenant. Un peu. C'est l'heure. En acapella. En acapella, c'est l'heure du freestyle par téléphone. Dragana, et tu repars aussi à l'occasion de la sortie du film des Gorilles, Les Gorilles, qui est sorti aujourd'hui, avec le mini iPad. Mais il faut quand même déchirer avant tout. D'accord, bah, c'est gentil, merci. Allez, c'est parti, Sirène. Gérer le regret, enchaîner les défaites, nourrir ma haine, engendrer ma tristesse, cours après mon futur, pars à l'aventure, oubliant le passé, oubliant mes faiblesses, dans un labyrinthe, je vais de gauche à droite, de droite à gauche, sans savoir où j'allais, il m'arrive encore, tard le soir, quand je ferme les yeux de rêver, deux genoux écorchés, au doudou, pan pan, ce monde où les fées côtoient et Peter Pan, malheureusement, lorsqu'on grandit, les contes de fées perdent leur magie, petit, on avait envie de grandir, maintenant on vit dans un monde de délire, l'enfance n'est plus qu'un cliché, nous vivons copier-coller. Difficile de se faire une place ici, où tout est scruté, jugé, sans issue. L'apparence physique, la personnalité, alors admire-toi, évite la fatalité. Beaucoup te liront, d'autres t'haïront, ils te trahiront ou te soutiendront. Fais de ta vie ton seul paradis, ton seul ami pour ne rien devoir à personne. Certains encore m'étonnent, mais dans ma tête ça résonne. Alors profite, profite de la vie, sans te retourner, continue ainsi. Comme je profite avec vous, comme dans mes textes, mon stylo, mon atout. Ne jamais perdre espoir. Il faut se battre et y croire, en attendant que la grande roue tourne, tourne les aiguilles du temps. Ne jamais perdre espoir. Et voilà. Et ben voilà, Dragana à l'instant. Super, super Dragana. Bravo à toi Dragana. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Balance, si tu as des adresses sur le net? J'ai Dragana Péric, officiel sur Facebook. Ouais. Et Twitter Dragana officiel. Twitter Dragana officiel pour te retrouver. Super, super, voilà. En tout cas tu kicks. Mais hein. Je suis plus sur Facebook que sur Twitter. D'accord, bah écoute, alors rappelle l'adresse pour te trouver, c'est... C'est Dragana Péric, P-E-R-I-C. Dragana Péric, ok. Voilà. Et bah merci à toi, petite dédicace, petit message à passer. Ouais, une dédicace à tous les gens qui me suivent via les réseaux. Mmh. Et à Kaina qui doit continuer et qui doit tout déchirer. À Cayenne. Cayenne, pardon, excusez-moi. Moi, c'est Kaina, c'est pas moi. Cayenne, merci, c'est excuse-moi. Super. Bah, toi aussi, continue et déchire tout. Merci, c'est gentil. Salut, merci à vous. On te fait un bisou, Dragana, et bon courage pour la suite. Ouais, c'est bien Cayenne, hein, avec un seul N en plus. Kaina, avec un seul N. Bon, Kaina, qu'on salue aussi, Kaina Samet, peut-être qu'elle a pensé à Kaina Samet. Ah oui, Kaina Samet, ouais, bah oui, qu'on peut-être qu'elle a pensé, mais voilà, qui ont fait un bisou, qui est en studio aussi. Avant de passer au live avec vous deux, avec Mimi, avec toi, on va mettre un petit morceau, tiens, qui va plaire aux filles, normalement. J'essaie de faire une sélection qui devrait plaire à tout le monde. Ouais. Morceau sur lequel peut-être vous allez danser, c'est le nouveau Jason Derulo. Je sais pas si t'as écouté celui-ci. Non, bah vas-y. Il s'appelle Want to Want Me. Je vais écouter. Allez, c'est parti. Vas-y. Jason Derulo à l'instant avec Want to Want Me sur Skyrock, pas mal. Ouais, franchement, la sélection, j'ai bien aimé, ça fait bouger, c'est cool. Moi, je vous ai en même temps, vous écoutez rien du tout, vous étiez en train de parler entre nana. Exactement. Non, mais on a écouté en même temps. Non, mais on n'a pas besoin. Si ça donne de la conversation, c'est que ça, c'est motivant. Et patati et patata, bah et t'as ouais, du ça. C'est les des femmes. Et t'es au courant de ça. Et oh non, c'est pas possible. T'as du ça. C'est incroyable, fille, incroyable. Bah, c'est gentil. Toujours un truc à dire. Bah oui. Vous disiez quoi d'ailleurs là? Non, on parlait de Jason Derulo. Arrête de mentir. En plus, vous n'êtes même pas d'accord. Non, c'est pas vrai. On parlait de tes draps. Jason, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. On s'en fout pas, c'est bien. Mais voilà, on parlait de... Des aléas de la vie, des trucs de femme, quoi. On parlait du stress et tout. Ah, bien sûr. On parlait des études, non, Mimi, tu aimes la faire aussi. Ouais, oh, putain, j'ai des révisions là. Oui. Ouais, et bah, tu veux pas m'aider pour les révisions? Grave, je te jure. C'est la personne que tu irais voir pour réviser d'ailleurs, Kayen. Ouais, c'est vraiment la numéro 1 pour les révisions. C'est vrai. Bon, allez, on va partir maintenant en live si vous êtes prêtes. Vas-y. Mesdemoiselles. Vas-y, on se balance femmes. Sims est là. Vas-y, Sims. On va se lever parce que l'album, c'est faut qu'on se lève. On va le faire debout. Yo. Être une femme. Ok. 1. Être une femme, c'est être une mère. Parfois, c'est être un père. Être une femme, c'est l'inquiétude qui se réfugie dans la prière. Être une femme, c'est horrible, torride, morbide. Quand chacune de nos peines est considérée comme un orbite. Et ouais, on a des couilles, on sait encaisser les coups. On n'a pas tant du Simone Veil pour se comporter comme des loups. C'est trash d'être une femme et qu'on te dise la ferme. T'es bonne qu'à faire la graille ou au pire faire la vaisselle. Être une femme, c'est des erreurs qui se justifient par la peur. C'est quelques coups de fil pour se la raconter à ses sœurs. Être une femme, c'est un travail, un mode de vie est plein d'entailles. Être une femme, c'est dire je t'aime et juste après dire je me taille. Faire les courses et faire le taf, se battre encore se battre. Être une femme, c'est s'acharner pour que la mi-face se relâche. Être une femme, c'est beau de pouvoir porter ses gosses, donner le prénom de sa mère et devenir adulte précoce. Aller au taf, c'est ça nos vies, des couilles plus grosses que les hommes quand on se ruine pour que le petit ait des Air Max à l'école. Être une femme, c'est être forte même quand dedans on est faible. Être une femme, c'est des victoires car on ne supporte pas la défaite. Ouais, c'est naze, mais être une femme, c'est être leur femme quand ils nous passent la bague au doigt avant que le parle nous condamne. Ouais, ah, c'est ça nos vies, c'est ça nos vies. Marre de subir sans rien dire, bordel, laissez-nous vivre. Laissez les femmes vivre, vivre avant que la foi les quitte. Hit, on a fait nos analyses. Hit, entre les problèmes, la galère et le mal. Laissez laisser les femmes vivre, hip, avant que la foi les quitte, hip, on a fait nos analyses, hip, pour tes problèmes, la galère et le mal. J'suis né dans cette insomnie, moi j'ai la tête sous l'eau, besoin de vivre. J'suis pas seul à être incompris, c'est tout le monde dans ce boulot, tes potes te quittent. On a du mal à s'endormir, car tous les jours y'a un nouveau problème, tout ce besoin de partir, pour voir la vie comme on l'aime. Besoin de faire le vide, de faire nos valises, ici on n'en peut plus, non, on perd nos repères. Trop de familles en crise, d'ici j'entends les cris, tu sais on n'en peut plus, la douleur nous effraie. J'ai besoin de partir, prendre l'air, prendre l'air, oh, oh, oh. J'ai besoin de voir la vie comme je l'aime, laisser les femmes vivre, vivre, avant que la foi les quitte. Hit, on a fait nos analyses, hit, entre les problèmes, la galère et le mal. Laissez les femmes vivre, hit, avant que la foi les quitte. Hit, on a fait nos analyses, hit, entre les problèmes, la galère et le mal. Le mal, si jamais tu savais de quoi est faite une femme. Une femme, la force et le courage sont dans les gènes d'une femme. Dans les gènes d'une femme. Tu savais de quoi est faite une femme. De quoi est faite une femme. Une femme. La force et le courage sont dans les gènes d'une femme. Femme. Dans les gènes d'une femme. Femme. Mimi, Cayenne, Cayenne, Y et W. Le 20 avril, faut qu'on se lève. Ouais, donnez-nous la force. Y Yoni, et W. Yoni, ça bouge pas. Non, jamais. Ouais. Ok. Libre. On a besoin d'être libre, nous. Ouais. Cayenne, Mimi, Y et W. Ma gueule. Yo. J'ai besoin d'être libre, libre, libre. Ouais, libre. J'ai ce besoin de vivre, vivre, vivre. Ok, un. J'ai besoin d'être libre, libre, libre. Allongé sur l'air. Ouais. J'ai ce besoin de vivre, vivre, vivre. Partir loin de cette terre. Ok. On vient et on repart, on porte tout seul le mal, tout ça qui nous colle à la peau. On vient et on repart, tout ce mal qui nous colle à la peau. Yo, yo, yo. J'ai vu les gens, j'ai perdu ma confiance après le temps. Peu à peu, moi, oui, j'ai dû devenir méchant. C'est pas de ma faute, j'ai rêvé de cette vie alléchante. C'est pas de ma faute, moi, j'étais bien loin. J'ai rêvé de cette vie. Oui, dedans, j'étais posé tous les jours. Dieu merci. Grâce à lui, j'ai des projets. Juste un peu plus de vie. Du mal à tenir les promesses. Mais faut qu'on progresse, même si parfois on est paumé. J'ai besoin d'être libre, libre, libre. M'allonger sur l'air. Sur l'air. J'ai besoin de vivre, vivre, vivre. Partir loin de cette terre. De cette Yo. Terre. On vient et on repart. On porte tout seul le mal. Tout ça qui nous colle à la peau. On vient et on repart. Tout ce mal qui nous colle à la peau. Yo. J'ai rêvé d'être libre, oui moi j'ai rêvé de vivre. J'ai pas choisi ma vie, mais moi j'ai rêvé de vivre. J'ai rêvé d'être clean, j'ai rêvé d'être riche. Hamdoulah j'ai des sauces, pourtant je me lève encore triste. J'ai pas choisi ma vie, non j'ai pas choisi ma ligne. Je voulais être dans le din, pourtant je bois l'alcool des vignes. Je partirai sans rien, même si je pars avec des rides. Ma vie n'était pas simple, pourtant je continue de rire. Je continue de rire, ouais je continue de rire. Je suis fier de venir d'en bas, mais je vise le sommet de la vie. Le sommet de la rime, ouais le sommet quand tu tripes. Frérot, même si t'as rien, dis-toi que rien ne vaut la vie. J'ai besoin d'être libre, libre, libre. M'allonger sur l'herbe, ouais. J'ai ce besoin de vivre, vivre, vivre. Partir loin de cette terre, ouais. On vient et on repart, on porte tout seul le mal. Tout ça qui nous colle à la peau. On vient et on repart, tout ce mal qui nous colle à la peau. Dans les 20 avril, dans les Cayenne sur Skyrock. Yoni, Willy, Willy, Yoni. Y et W. C'est une famille. Mimi, ça bouge pas ma gueule. Ouais. Sur Sky, Planète Rap. C'est Cayenne au mic. 20 avril, dans les bacs, faut qu'on se lève ma gueule. Y et W jusqu'à l'infini. Ouais. À l'instant en live, mesdemoiselles, je ne vous entends pas. Merci. Félicitations, félicitations. Cayenne. Yes. Et Mimi. avec nous ce soir en live dans l'émission entre 20 et 21. Cayenne, le projet sera dans les bacs lundi. Lundi, dans les bacs, allez pécho le P, soutenez-nous, donnez-nous de la force. Là. Ouais, on en a besoin, vraiment. Bah ouais. Parce que YKW, de base, c'est un peu macho, tu vois, c'est des hommes. Et là, il y a des femmes, on était derrière et qu'ils nous ont formés comme des hommes, ouais. On est des femmes. C'est bien, vous avez inversé exactement. La tendance. Exactement. Très ça. Bien. Heureusement que Willy n'a pas entendu ce que tu disais, c'est un label. Non, de non, macho. Mais en fait, c'est lui qui me le dit tous les jours. Mais c'est vrai. Là, il et nous, on envoie les pas meufs au mec, s'il te plaît. Bah ouais. Mais voilà, on défend notre cause, on est des femmes. Ouais. Voilà. Et alors toi, Mimi, aux sœurs, ouais. Aux sœurs, c'est normal. J'avais oublié la voix de Willy, je me dis un instant. Eh ben non, jamais. Eh ben non. C'est eh ben non. Toujours là, il bouge pas. Toujours là. Princesse, elles sont là, t'as vu. Exactement. Ouais. Mimi, pour t'entendre, toi, c'est quoi alors les bah, prochaines sorties ou ce qu'il y a? Alors je sais que t'es focalisée sur les études, mais non, je suis, enfin pas focalisée sur les études, c'est un grand mot. Moi, franchement, la musique, c'est tout. Et Yoni Willy m'ont donné la chance et vraiment, je les remercie de tout cœur. Vraiment, un gros big up à vous. Vous êtes dans l'ombre, mais vous êtes là à côté. Vous êtes nos ombres. Bah grave, grave. Et bah moi j'ai sorti un son qui s'appelle On part et on revient, qui est disponible sur YouTube. Et voilà, j'invite les gens à aller voir parce que franchement, faut nous donner de la force. C'est clair. Voilà, on sort un peu de nulle part et c'est ça qui est beau en vrai. Et voilà, faut nous soutenir parce qu'on en a besoin. On en a besoin. De c'est dit avec tellement, regarde, tellement d'amour, tellement de sincérité, tellement de charme. Tu vois, bah ouais. La vie, comme je m'en dis, on dirait le gitane, s'il vous plaît. Allez voir sur YouTube. T'as vu Mimi, t'as envie d'aller cliquer tout de suite en fait. Elle est tellement mignonne, attends. Ça se fait hop. Refais tes petits yeux là. Allez voir, mon mais franchement. Non, mais vraiment, faut nous soutenir parce que voilà, c'est dur quand même la musique. Et on s'en rend compte quand on rentre dans ce monde que les gens, c'est pas tous tes amis. Ah, c'est clair. Et alors que moi, là, quand j'étais petite, j'étais là, je cliquais, je faisais tourner tout. Les gens, en fait, ils font pas ça. Donc, faut nous donner de la force. Vraiment, nous, on vous représente. Il n'y a plus forcément de meufs qui représentent dans le rap aujourd'hui. Et Cayenne, elle arrive. Vraiment, et moi je lance un gros big up à elle parce que vraiment c'est une artiste, une vraie artiste, comme on en voit rarement. Et voilà, on est là, il faut nous laisser la place là. Parce que voilà. Toi, t'es touchée par ses mots, par ce qu'elle écrit, par ce qu'elle fait. C'est notre vie à tous. En vrai, c'est notre vie à tous. Elle raconte ses galères, comme on a la joie de vivre en vrai. Nous, on est là, on n'a pas une vie facile, on va pas mentir, on est des femmes. Et en vrai, les femmes, c'est dur vraiment. À chaque fois, on doit avoir endossé le rôle d'homme aussi pour pouvoir se défendre. Et Cayenne, elle est là, elle arrive avec une force de frappe. Et malgré tout ce que les gens disent en mode de, ouais, c'est un homme, ça, non, bah écoutez, c'est le sexe fort, ça, tu l'as dit lundi. Personnellement, oui, mais ça, tu sais, c'est vrai qu'en plus, t'as raison de préciser sur le côté un peu macho. Et c'est vrai que dès que tu fais un petit peu de rap et que t'es une nana, voilà, c'est tout de suite bim. Voilà, dans le cliché, t'es un homme, t'es Kaira, mais pas du tout. Je rappelle quand même juste aux hommes et à tous ceux qui font du rap que celle quand même qui reste quand même la numéro 1 en termes de vente dans le rap français, c'est une femme, c'est une nana, et c'est Diams. Voilà, et qu'on respecte et à qui on fait un gros bisou parce que j'adore ce qu'elle fait. Ah ouais, c'est la meilleure. Bah, c'est une nana qui a vendu plus d'un million d'albums de son album Dans ma bulle. Attends, donc voilà. C'est quelqu'un, c'est une personnalité. Qui dit mieux? Tu vois ce que je veux dire? Il y a de la place pour tout le monde, comme je t'ai dit. Si tout le monde reste à sa place. Exactement. Donc allez soutenir Cayenne, ça sort à partir de lundi dans les bacs. Ouais, et c'est aussi à découvrir entre 20 et 21. La roulette qui va tourner, on finit avec un dernier morceau. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on remette? On met Faut qu'on se lève. Vas-y, on met Faut qu'on se lève. Allez, morceau militant, vas-y. Faut qu'on se lève. C'est ça. C'est parti. Faut qu'on se lève. Y et W. 20 avril dans les bacs, allez pécho le P. C'est Cayenne, Y et W. On se dit que nos rêves ne nous prendront plus la tête. Ne nous prendront plus la tête. Ne nous prendrons plus la tête. On se dit que nos rêves ne nous prendront plus la tête. Mais quand les erreurs reviennent et que le succès s'enchaîne, une part de rêve qui nous amène à nous perdre, cette part de rêve nous amène à tout perdre. Donc nos rêves ne nous prendront plus la tête. Mais quand les erreurs s'enchaînent et que le mal-être nous guette, cessons de nous prendre la tête. Et dans les ruelles, ça se buffait. Comment lutter contre un baby? Et tu sais que le rêve s'est emballé. Quand tu crois c'est d'aider, tu peux bien finir en sandales. $100, $100. Cette chose là c'est s'emparer de ton cœur. Et sans parler tu peux finir très mal. Mais il faut qu'on se lève sur cette musique qui nous baisse. Dans nos rimes et nos cœurs, sur le rythme et dans nos cœurs, ils te font voir que tes rêves se réalisent à merveille. Jusqu'à ce que la solitude et le manque de vie te tuent, il faut que nos rêves dans un monde meilleur. On se dit que nos rêves ne nous prendront plus la tête. Mais quand les erreurs reviennent et que le succès s'enchaîne, une part de rêve qui nous amène à nous perdre, cette part de rêve nous amène à tout perdre. Donc nos rêves ne nous prendront plus la tête. Mais quand les erreurs s'enchaînent et que le mal-être nous guette, cessons de nous prendre la tête. Et dans les ruelles, ça se bute. Mais comment la main, mais ma main s'essouffle. L'environnement m'étouffe, un cri, une voix, une larme, chaque jour. En effet, ça m'étouffe, vivre pour mourir, nuire pour sourire, aimer pour souffrir. Au final, on s'aime, mais au final, on s'aime. C'est bien, vie ça coule, vie ça pleinement. Une joie de vivre déterminée dans les sales moments. Si seulement je pouvais éviter ce se dit que nos rêves ne nous prendront plus la tête. Mais quand les erreurs reviennent et que le succès s'enchaîne, une part de rêve qui nous amène à nous perdre. Cette part de rêve nous amène à tout perdre. Donc nos rêves ne nous prendront plus la tête. Mais quand les erreurs s'enchaînent et que le mal-être nous guette, cessons de nous prendre la tête. Et dans les ruelles, ça se met. Mais comment lutter? Là-bas sa vie, oui là-bas c'est bien. On suit tous la même ligne pour se creuser un chemin. Là-bas c'est yes, là-bas c'est cool. Là-bas c'est toujours mieux que ce que l'on a tous. Là-bas sa vie, oui là-bas c'est bien. On suit tous la même ligne pour se creuser un chemin. Là-bas c'est yes, yes, là-bas c'est cool, cool. Là-bas c'est toujours mieux que ce que l'on a. Se dit que nos rêves ne nous prendront plus la tête. Mais quand les erreurs reviennent et que le succès s'enchaîne, une part de rêve qui nous amène à nous perdre. Cette part de rêve donc nos rêves ne nous prendront plus la tête. Mais quand les erreurs s'enchaînent et que le mal-être nous guette, cessons de nous prendre la tête. Et dans les ruelles ça se fait. Mais comment lutter contre un mur? Yoni Willy, Willy Yoni, bang bang, kakaka Cayenne, Tiki Town. Faut qu'on se lève à l'instant sur Skyrock entre 20h et 21h avec Cayenne, avec Mimi. Mimi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce non, qu'il y a? Mimi, elle a perdu son avec des mecs, et alors que c'est pas une trappe des meufs, mon frère. Ah ouais? Ouais, bah ouais, regarde. Ah oui, la c'est photo, vrai, dans le studio, c'est vrai qu'il y a, y a un côté nana, un côté mec. On va faire la guerre. C'est PSG Barça ou quoi? C'est exactement. C'est la guerre. C'est bon. On va voir les images, hein. Je rappelle que tous les soirs on est en direct, vous mettez les images sur l'appli Skyrock, sur le Skyrock FM. Avant de se quitter, je crois qu'il y a quelques dédicaces, notamment de la part de Mimi. Ouais. Qui a besoin de dédicacer beaucoup. Ouais, de non, monde. Franchement j'ai besoin parce que ouais, ça fait deux ans que je suis pas venue ici quand même. C'est vrai. Moi déjà je fais une dédicace à Alimi Barrio, qui est un manager en or, qui est comme un grand frère. Bibi pareil, mon frère, vraiment qui nous soutiennent, ouais. Et je fais une dédicace à mes profs, encore une fois, mon prof de philo, d'histoire et d'anglais, monsieur Nedjarta. Julia, Juliette, etc. À tout mon Paris Centre, bah, juste à côté, la place Goldo, tout ça. Bah, ouais. Et voilà. Et à ma mère, que j'aime, et qui est mi-côte. Ouais. C'est tout, t'es sûr t'as oublié personne, Mimi? Non, mais de toute façon, les autres, ils se reconnaîtront. Et Lilia, là, qui m'écoute dans sa boulangerie, la Micaline. Micaline Rambuteau. Voilà. Eh bah, la Micaline Rambuteau. Voilà. On fait une petite dédicace. Ça sera chercher le pain après. Parce qu'après, il va falloir retourner au fourneau, les filles. Hein. Exactement. Allez, hop. C'est, ouais, c'est ouais. Fini après le planète rap. Hein, on va reprendre des trucs quand même. Allez, hop, hop, hop, hop, hop. Malheureusement. Bon, ok, il y a une petite dédicace, petit. Ouais, petite dédicace, fais ça. Tous ceux qui ont oublié, Sadio, toute l'équipe qui est là ce soir. Le frère Roland, le boxeur, Mathéo, Kevin, comme a dit. Oui, bouge pas, mon gars. Tous ceux qui sont là ce soir, YW, on représente. Ouais, et un gros bisou. Et les potos qui m'écoutent, Diziac, tout ça qui m'écoute aussi. Gros bisous. Et à toute l'équipe YW. Suivez-nous. Willy, Willy, c'est avant, le meilleur. Avant, Skyrock, ouais, Skyrock. Avant de. Ouais, la sécurité Skyrock, tout ça. Voilà, la dame pipi, tout le monde. Vous foutez la merde, on vous aime. On fait tourner la roulette juste avant de se quitter, c'est parti. Ouais. Skyrock t'offre ton kit d'album de rap français et de rap R&B US. À toi de choisir. J'espère qu'on va avoir un mec pour la roulette. C'est un mec. Oh merde, c'est une meuf. C'est Tracy, comment ça va, Tracy? Ça va et toi? Du côté de Douai, bienvenue dans le Planète Rap. Cayenne, deux secondes. Écoute, il y a Tracy qui est là, qui voulait participer à cette soirée nana avec nous et faire tourner la roulette. Ça va bien? Bienvenue à toi. Ça va et vous? Bah écoute, on est bien, tout se passe bien et toi? Ouais, ça va aussi. Il fait beau aussi à Douai, t'as passé une belle journée? Ouais, une super bonne journée. C'est quoi les vacances pour toi? Pas de vacances, tu bosses, tu fais non, quoi? Non, je suis en stage. Ah, t'es en stage, ok. Eh bah écoute, petit moment de détente avec la roulette maintenant, tu dis stop dès que tu veux. C'est parti. Ah, t'as oublié quelqu'un, Mimi, on va y arriver juste après. Ah, merci, c'est gentil. T'inquiète pas. Ouais. Essaye de te souvenir, c'était encore deux, trois autres. T'as deux, trois autres boulangeries à dédicacer aussi. Mais c'est pour le pain, la Micaline, Rambuteau. Tracy. Oui. Et plutôt quoi? Son US, son français, t'as envie de quoi à la maison? Oh, son US. Son US? Ouais. Eh ben écoute, tu repars avec plein d'albums. Il y a au moins une dizaine d'albums US, dont les albums de Nicki Minaj notamment. C'est pour toi, on t'envoie tout ça du côté de Douai. Ah, super. On te fait un bisou, Tracy. Bah, c'est une dédicace. Vas-y, on t'écoute. Je fais une dédicace à ma mère, mes soeurs, mon frère, mon tonton qui travaille, à Bettina et à Fiona. Mon tonton, c'est Johnny. Ah bah c'est Johnny, mais le vrai Johnny. Non, c'est Johnny, quoi. Johnny de Douai. Voilà. Et ben, on le salue en tout cas. Enfin, coucou à tonton. Johnny. À tonton gros Johnny. Gros bisous à Johnny. Mimi. Ouais, moi je fais une dédicace à Pika. Pikachu. Voilà, Pikachu, on te dédicace. Ah, c'est Mehdi voilà. Et Mehdi. Et voilà. Et ben merci à vous tous, merci. Et Yoni, Yoni, Yoni. Ah ouais, Yoni. Dédicace à Yoni, ah, Yoni aussi. Parce que Yoni, il a enlevé sa veste aujourd'hui, c'est l'été. Ah ouais. Ça y est, il a viré la doudoune. Bah ouais, mais... Sims, on t'oublie pas, Sims. C'est toutes les filles qui sont là, merci. Exactement, merci. C'est les meilleures, vraiment. La meuf de Léo, je répète, Léo, merci. Parce que Léo, c'est un babou aussi. Je fais un gros big up à lui, vraiment. Et ben merci à vous, mademoiselle, d'être là aussi. Tous ceux qui nous ont écoutés, on va retrouver Difool maintenant. Eh oui. Qui est bien accompagné aussi. Salut, salut. Salut, salut. Moi, bien accompagné que toi, Fredo. Mais bon, oh, ça va, tu es. Ah, bah, c'est vachement sympa. Tu es Tu es une sacrée équipe. Oui, oui, oui, c'est vrai. Mais bon, toi, t'étais bien équipé ce soir aussi. Salut les filles. Ah, Fred, il était équipé. Hein. Ah, ouais. Attends, je suis tous les jours bien équipé. Excusez-moi. Non, mais je rêve. Ça va bien. Bon, c'est parti pour le foot ce soir. C'est parti pour la radio libre aussi. Ouais, vous supportez qui, vous? Barcelone. PSG. Voilà, il y a des Marseillais, il y a Samy. Vous êtes dévendu, Samy. Samy, on sait très bien qu'il est devenu espagnol. Ah, moi, je suis catalan. Catalan, pardon, ouais. Vendu. Ça m'étonne direct. Pas. Non, je suis marseillais juste. Oui, il est marseillais, donc c'est normal. Pire, mais bon. Ça va, les slips, il est pas trop bas? Non, ça va. Cayenne, c'est quand tu fais un concert à Marseille? Pas tout de suite. Tu seras bien accueilli, je pense. Non, mais j'adore Marseille, hein, je leur fais un gros bisou. Ah, ça va. Bien, oui, il faut préparer la suite. Oui, il faut quand même préparer la suite. Ouais. Prépare la tournée, toujours, tout toujours ça, garder. Tu vois. Des bons rapports. Ouais. Voilà, toujours des bons rapports. Cayenne, 20h, 21h, c'est ta semaine sur Planète Rap. Demain, yes. Le grand retour. Ah, attends, moi, je vais gagner l'album, gros. J'ai entendu. Attention, Karim. Il réfléchit tous les jours, tu t'es amélioré. Karim, donc la question, c'était pas mal hier. Hier, ça commençait à s'améliorer. Ouais. Alors, la question de la semaine, c'est que représente une femme à vos yeux? Voilà. C'est ça. Alors, pour toi, Karim, attention. J'allais dire le cassage de couilles. Oh, bah, franchement, j'adhère. Ouais, on est là pour ça. Ouais, d'accord. Non, ça se fait pas. Comment ça, cassage de couilles? Pourquoi vous cassez pas les couilles là? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'es merci. Où? T'es où? T'es avec quoi? C'est qui lui? Mais attendez, c'est vous appelez. Allô, t'es où? T'es avec qui? Arrête. Allô, t'es en voiture? Bah, vas-y, klaxonne. 50-50, c'est bon, t'as un demi-point. Ah, merci, Cayenne. On tente demain pour l'album encore. Vas-y, pas m'asseoir. À 20h, Planète Rap, à 21h, la radio libre. Dans un instant, le PSG contre le Barça. Il y a 6 minutes de jeu et 0-0. On suit le match en direct. On attend vos réactions. Allez, Paris. Direct pour allez, Paris. Allez, Paris. Allez, Paris. Paris contre Bastia. Non, oui, c'est ça. Ça aurait été facile. Ça, tu peux cocher, c'est fait. Voilà, ça c'est fait. C'était 4-0. Et Lyon a joué contre Bastia tout à l'heure. Ils ont gagné 1-0, c'est ça? 2-2. 2-0. Ah, je vais t'arrêter à 1-0. Non, 2-0. Après, j'ai écouté Planète Rap. Ouais, bah, tu as raison. Eh bah, ouais. Super raison. Mieux que le foot. Merci les filles, à demain. Allez, bisous. Salut Cayenne, salut Fredo. Ciao, ciao. Dans un instant pour démarrer la soirée. Florida. Going down for real. GDFR. Ouais, GDFR. Florida sur Sky. Et vous tous en direct 01 53 40 30, va appelez-nous. Hein. Jusqu'à minuit si vous voulez faire les cons avec nous. C'est parti. Going down for real sur Sky. C'est tout de suite. C'est parti. À demain, Fred. Ciao, ciao. Ciao. 1500 euros tous les matins sur Skyrock. C'est ça, c'est Skyrock.